Isanganiro. Joseph Sabiyabandi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal par la langue française, dont voici les principaux titres. Une personne a été tuée la nuit de ce samedi en commune Mugamba de la province de Bururi. C'était dans une attaque à main armée menée contre un domicile. Célébration aujourd'hui du 16e anniversaire de l'accord d'Arusha. Le parti Radebou se dit satisfait des réalisations déjà effectuées grâce à cet accord, mais le parti Parena dit le contraire. En actualité internationale, nous allons vous parler des élections au Gabon, le séisme en Italie et les bombardements en Syrie. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. En page politique, le parti Radebou, c'est la célébration aujourd'hui, dimanche, du 16e anniversaire de l'accord d'Arusha. Le parti Radebou se dit satisfait des réalisations déjà effectuées grâce à cet accord. Jean-Dodier Moutabazi estime que les points essentiels sont déjà incorporés dans la Constitution. Il ajoutait que les institutions actuelles doivent être régies par la Constitution qui est, selon lui, l'émanation du peuple. Aujourd'hui, c'est 16 ans que nous nous souvenons où il y a eu signature des accords d'Arusha, lesquels accords d'Arusha restent une référence historique dans l'histoire de ce pays. Parce que dans les accords d'Arusha, on nous avait montré comment toutes les composantes ethniques et tous les partis politiques pouvaient se partager le pouvoir après les élections. Ces accords d'Arusha nous avaient montré comment devait être dessiné le Sénat du Burundi, l'Assemblée nationale du Burundi, l'État du Burundi, comment le chef de l'État devait être élu. Alors, c'était très très important et c'est que les recommandations des accords d'Arusha ont été suivies parce que après les accords d'Arusha, bien que le G10, sa majorité Tutsi, ait signé ces accords avec des réserves, nous disons qu'ils n'étaient pas tellement convaincus. Les accords d'Arusha ont été entérinés par l'Assemblée nationale de l'époque. Alors aujourd'hui, le peuple burundais, il est régi par la constitution issue de ces accords d'Arusha qui restent, comme je l'ai dit, une référence historique. Deuxième chose, nous devons accepter que la politique, elle est dynamique et que les générations se renouvellent et que ces deux textes importants, l'un signé par les partis politiques et l'autre qui a la primauté sur ces accords, c'est-à-dire la constitution, a été voté par voie référendaire. Ces deux textes, ce n'est pas une Bible. Ça veut dire que les Burundais de cette époque, ce sont eux-mêmes qui devront choisir les textes et lois qui vont déterminer leur avenir. C'est pourquoi nous devons accepter que les générations actuelles puissent choisir eux-mêmes leur constitution, leur texte fondamental. Jean-Dodier Moutabazi, il est président du parti Radebou. Le parti Parena ne fait pas la même lecture que le parti Radebou. Zenon Nimubona, président de ce parti, constate qu'au 16e anniversaire de l'accord d'Arusha, des défis restent posés. Il évoque entre autres la divergence dans sa lecture et le manque d'intégration de cet accord dans la Constitution. On l'écoute, il est au micro d'Alain Désiré Boukeyeneza. Le grand défi pour ces accords est que les signataires n'y ont pas cru entièrement. Parce que s'ils y avaient cru, c'est un bon accord qui, s'il avait été traduit correctement dans la Constitution, aurait permis une paix durable pour toujours. Malheureusement, cet accord n'a pas été traduit correctement dans la Constitution. D'où pour le Parena, maintenant que l'on est à Arusha, en face des mêmes médiateurs qui avaient facilité la signature de l'accord, il sera question de voir comment cet accord a été traduit dans la Constitution pour finalement s'en dégager et ne se référer qu'à un seul texte fondamental qu'est la Constitution. Et l'autre problème, c'est celui-là que j'ai évoqué, c'est-à-dire les gens n'y croient pas. Alors, il faut les amener à y croire, notamment au niveau du partage du pouvoir, de la relève au niveau démocratique, de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance de la magistrature. Tous ces éléments, une fois accouchés dans la Constitution, permettront à coup sûr une paix durable L'indépendance de la magistrature, il y avait été question dans les accords d'Arusha. Les accords d'Arusha précisent bien que le Conseil supérieur de la magistrature, qui doit garantir l'indépendance des magistrats, devrait être indépendant du pouvoir exécutif. Que le pouvoir exécutif devrait être dégagé dans la nomination, dans la mise en place du Conseil de la magistrature pour qu'il relève des magistrats eux-mêmes. Cela n'a pas été accouché dans la Constitution, d'où des interprétations multiples. Ce qui doit être fait, c'est de répondre positivement aux négociations d'Arusha, qui n'est pas un Arusha 2, mais une lecture de Arusha 1 avec l'aide des médiateurs. En page de sécurité, une personne a été tuée la nuit de ce samedi en commune Mugamba de la province Sébouloury. C'était lors d'une attaque à main armée menée contre un ménage à Nyagasasa. Les auteurs de ce crime ne sont pas encore connus. Le gouverneur de Bouloury appelle la population de sa province de redoubler d'efforts. Correspondance de Jean-Pierre Misago. Les informations obtenues de certains des habitants de Mugendo Ruko, confirmées par la police, indiquent que le ménage d'un certain Makope Proté, à Nyagasasa sur cette même colline, a été attaqué à 19h passé de quelques minutes ce samedi. Certains parmi ceux qui se sont rendus sur le lieu du crime ce dimanche matin disent que l'attaque visait une fille de Makope et après l'avoir tuée, les assaillants se sont volatilisés dans la nature. La patrouille conjointe des militaires et des policiers effectuée immédiatement après son forfait à Nyagasasa n'est pas parvenue à attraper les assaillants. Certaines sources au sein de la population à Nyagasasa et de la police indiquent que la défunte serait victime de sa bonne collaboration avec les forces de l'ordre dans l'identification et l'arrestation des fauteurs de troubles dans Mugamba. Christian Nkurunziza, gouverneur de Bururi, appelle aux habitants de Mugamba à ne pas désarmés dans la chasse aux perturbateurs de la sécurité dans Mugamba. C'est dans cette même province de Bururi, cette fois-ci à Mubuga, en commune Bururi, qu'un fusil de type Kalachnikov sans chargeur avec une balle dedans a été découvert ce vendredi. La police de Bururi dit que le fusil serait caché par les rebelles lors des affrontements qui les ont opposés aux forces de l'ordre fin juin de cette année. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre. En page éducation, le directeur de l'éducation en province Chibitoke a de l'espoir que des écoles de métiers qui vont accueillir les élèves qui n'ont pas réussi au test de niveau seront suffisantes dans cette province, vu les salles de classe disponibles. Egide Ngendambizi indique que la question de manque de matériel didactique et les enseignants de métier soumises aux autorités hiérarchiques aura de réponse avant la rentrée scolaire. Egide Ngendambizi déplore cependant le manque d'enseignants au primaire et au secondaire. Les écoles de métier pour Mazankwanto, 8 dans les écoles de Chibitoke. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Dire qu'elles sont suffisantes, je ne peux pas le dire. Mais vu que nous avons quelques salles qui étaient occupées par la dixième, qui sont disponibles, on pourra les transformer en centre d'enseignement des métiers. Quelquefois, le nouveau système enregistre beaucoup de défis. Est-ce que le matériel est disponible? Les enseignants des métiers sont là? Pour le matériel didactique, pour les CM, il y en a pour les 800 enseignants des métiers disponibles. Mais pour les nouvelles écoles qui seront ouvertes, il n'y en a pas encore. Mais la question a été déjà adressée aux instances compétentes. Nous croyons qu'avec le mois d'octobre, on aura ce matériel-là. Est-ce qu'en province de Chibitoke, vous avez des enseignants suffisants? Les enseignants, nous en avons, mais pas en suffisance. C'est pour une fois de nos besoins. Ça, c'est surtout lié au défi démographique. Vu comment les écoliers augmentent de jour en jour et combien étant nous donnés des enseignants, il doit y avoir un écart très considérable. Mais pour le moment, nous avons des enseignants pour certaines communes en suffisance, mais d'autres qui en éprouvent le besoin. Par exemple, dans la DC de Buganda, nous avons besoin de 15 enseignants. Rugombo, c'est suffisant, on n'a aucun besoin. Pour Mabayi, nous avons besoin de 4 enseignants fondamentaux. Pour les 3 communes qui restent, les communes de Mugina, Mugui et Bukinanyana, nous avons besoin de plus de 50 enseignants par commune. Aussi, au poste fondamental, on trouve des professeurs qui travaillent 20 à 25 heures par semaine, qui devraient travailler 18. Alors, c'est aussi un problème, puisque là, c'est beaucoup d'heures qui doivent occuper l'enseignant. Au cas où il n'y a pas d'enseignants disponibles pour le poste fondamental, on doit faire le cours vacataire. C'était Jidenge Nambizi, le directeur de l'éducation en province Chibitoke. Il s'entretenait avec Évariste Nzikobanyanga. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, le scrutin présidentiel de ce samedi au Gabon s'est déroulé dans le calme. En Italie, le séisme a causé beaucoup de dégâts. Et en Syrie, le ministre des Affaires étrangères appelle la Russie à cesser des bombardements dans ce pays. Karine Boutoy. Au Gabon, ce sont 6 à 28 électeurs qui étaient appelés aux urnes hier samedi 27 août et pas d'incident notable à signaler si ce n'est un certain retard à l'ouverture des bureaux de vote dans la capitale. Maintenant, c'est le décompte de voix qui a commencé. Comme on le lit sur le site web de la RFI, c'est un défi logistique puisque certaines zones au Gabon sont très difficilement accessibles. La proclamation finale pourra se faire d'ici mardi 30 août. Les candidats mécontents pourront ensuite saisir la Cour constitutionnelle dans les 8 jours et les magistrats ont 2 semaines pour rendre leur verdict. En Italie, après le séisme qui a frappé le centre du pays ce mercredi août, les secours continuent de fouiller les décombres. Au bilan humain du tremblement de terre très lourd, des 190 morts et de nombreux blessés, s'ajoutent les dégâts sur le patrimoine historique. Au moins une dizaine de villages ont été très endommagés. Comme on le lit sur le site de la RFI, des 193 éléments du patrimoine italien qui ont été endommagés ou se sont écroulés lors du séisme d'août 2016. Amatrice avait été désignée en 2015 comme l'une des plus belles villes d'Italie. En Syrie, le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault dénonce l'escalade du régime syrien et rappelle l'urgence d'une solution politique. Selon le site du journal Le Monde, par deux fois au moins le pouvoir en place à Damas a utilisé des armes chimiques contre sa propre population. Telles sont les conclusions d'un rapport du mécanisme d'enquête et d'attribution. Cette instance est créée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en lien avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Ces enquêteurs à l'issue dans leur travail ont démontré que le régime syrien avait violé les engagements qu'il a pris en 2013 lors de son adhésion à la Convention pour l'interdiction des armes chimiques. Merci à Karine Boutoyi. C'est sur l'actualité internationale que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi.